Ce soir un coup de fil m'a rempli d'allégresse. Ta voix enchanteresse chante la messe. Quand nous prendrons l'hostie, nous ne ferons plus qu'un. Pris dans tes cheveux bruns, acre parfum. Ce soir je ressuscite, je revis de ta voix. Très vite je te récite un poème, petite. Ce soir je ressuscite les étoiles, Miradi. Et mon cœur anthracite, très vite s'incendie. Le mal à la communion scellera nos destins. Bienvenue au festin, Victor Calin. Le paradis attend notre montée au ciel, mais l'amour te rend ciel. Ce soir je ressuscite, je revis de ta peau. Je parle, je récite, tu revis de mes mots. Ce soir je ressuscite, tu me fais tant de joie. Et en moi le délire et la